La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci d'être là au premier jour de notre nouvelle série consacrée jusqu'à jeudi à la comtesse de Ségur. Sophie de Ségur, née en 1799, comme Balzac, non pas à Paris elle, mais à Saint-Pétersbourg, car celle qui est peut-être la plus grande écrivaine française pour enfants, a eu comme nom de jeune fille Rostopchine, et pour elle, la France, c'est un pays d'adoption. Pour cette raison, peut-être, elle a toujours vécu en léger décalage entre le conservatisme d'une vieille femme écrivant des livres au fin fond de sa Normandie et l'immoralité qui affleure dans ses histoires. Peut-être se cachait-elle derrière une apparence bien sage afin qu'on la laisse écrire en paix. C'est en tout cas la thèse de Mayalen Berasategui que je recevrai demain. Expatriée donc, Ségur a dépeint de nombreux étrangers dans ses livres, comme nous le dira mercredi Isabelle Nier-Chevrel. Avec elle, nous parlerons également des illustrations si importantes dans la littérature jeunesse, ainsi que de la foi de la comtesse. Mais ce qui trouble le plus chez Ségur, c'est son rapport gourmand et coupable au plaisir, qu'il soit autorisé ou non. Gourmandise et perversion, c'est justement le titre de notre émission de jeudi prochain. Nous serons en compagnie de Marie-Josée Strich et de Romain Slocombe. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois une écrivaine qui aime la comtesse de Ségur de la tête aux pieds, à tel point qu'elle a dessiné pour la marque Atelier Tercy des souliers. Inspirée par elle, il s'agit de Marie Desplechin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'atteindra jamais, c'est le cœur, le noyau de la chose qui est vraiment... C'est une femme, au fond, il faudrait écrire sa biographie, parce que c'est une femme, je ne sais pas ce qu'elle a connu dans sa vie, pour arriver à travers le désir des enfants, le futur refoulement des enfants, le désir de leur faire refouler certaines choses, de les installer en certains endroits, pour être aussi efficace dans sa façon de procurer des émotions. Bonjour Marie Desplechin. Bonjour. Il faudrait écrire la biographie de la comtesse de Ségur, vient de dire Viviane Forrester, justement. C'est fait plusieurs fois. C'est ce que vous avez fait, vous, dans une collection un peu particulière, la collection L'une et l'autre aux éditions de l'Iconoclaste. Donc, c'est pas une biographie à l'américaine, comme on dit. C'est plutôt un portrait que vous faites de Sophie de Ségur. Pourquoi l'avoir choisie, elle? Parce que le parti pris du livre est de demander à des auteurs femmes. De parler d'une auteure femme, donc c'est quelqu'un dont on se sent proche, qui vous touche énormément et sur laquelle vous ayez envie d'écrire. Et donc quand on me l'a proposé, moi je voyais une seule personne, je voyais Sophie Rostopchine. Alors vous commencez à raconter son histoire depuis sa petite enfance, du temps où son père disait que déjà Sophie racontait des historiettes auxquelles personne ne comprenait. Elle avait 5 ans à l'époque. Je raconte comment son enfance, hein, où elle naît. Donc, comme vous le disiez, oui, elle naît en 1799. Elle naît en Russie dans une famille qui est très proche du tsar. Son père, c'est un personnage extrêmement haut en couleur, une espèce d'excentrique incroyable, qui s'appelle Fiodor Rostopchine et qui va être l'adjoint de Paul Ier, qui est le tsar, le fils de Catherine II. Et il va lui servir d'ami, d'homme lige, voilà. Et sa mère est une... C'est son parrain, hein, quand même. Le tsar sera le parrain de Sophie, oui. Et sa mère, son père est incroyablement amoureux de sa mère, à Sophie, qui s'appelle Catherine Protasov, qui est une femme assez sévère, probablement jolie dans sa jeunesse. Et donc, voilà, c'est de la... On se demande un peu pourquoi il est tellement amoureux de cette femme qui n'a pas l'air quand même très agréable. Non, mais toutes leurs histoires sont fascinantes dès lors qu'on revient un peu dans leur enfance. Et lui vient, alors la famille dans laquelle va être élevée Sophie, c'est une famille à la fois extraordinairement sauvage et civilisée. Et la famille dans laquelle a grandi son père est une famille qui est extrêmement sauvage. C'est-à-dire son père est un véritable... Il y a un niveau, ce sont des fous, quoi, qui vivent dans une espèce de sérail au milieu des serres... Et qui a deux fils, et la mère de Fiodor meurt à la naissance de son jeune frère. Et il vit... Je pense qu'on a du mal à imaginer le niveau d'abandon et de violence dans lequel il est élevé. Et peut-être qu'il retrouve dans cette femme, qui est sévère à la fois et assez jolie, quelqu'un qui le rassure, quoi. Donc c'est une personnalité particulièrement forte. Je vous propose d'écouter dès à présent une archive de Michel Tournier qui permet de s'en rendre compte. Il est nommé... En 1812, gouverneur de Moscou, mais c'est une année tragique, car l'armée française, la grande armée de Napoléon arrive. En septembre, Moscou est occupée. Moscou prend feu, c'était une ville entièrement en bois à l'époque. Vous savez, les grandes villes de l'époque étaient toutes en bois, et toutes, un jour ou l'autre, elles ont brûlé, on les a reconstruites en pierre. Voilà Moscou qui brûle. Et alors, petit détail quand même, qui se promène dans les rues de Moscou regardant tout brûler et en faisant ensuite un rapport sensationnel, Stendhal. Oui. Alors, vous avez deux écrivains français, n'est-ce pas, qui regardent brûler Moscou, l'un qui est dedans, qui est Stendhal, et à quelques kilomètres de là, dans la propriété familiale, la petite Sophie, future comtesse de Ségur, qui a 13 ans et qui voit rougeoyer le ciel, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est papa qui vient de mettre le feu à Moscou. Que fait papa ? Il met le feu à Moscou. Lui s'en défendra plus tard. Mais enfin, il était là et il a mis le feu à son château après, donc il n'est pas... il est forcément pour quelque chose. Et alors, ce qui ne manque pas de piquant, c'est donc il met le feu à Moscou parce que l'armée de Napoléon arrive. Et dans l'armée de Napoléon, il y a deux Ségur, hein, qui sera l'oncle par alliance de Sophie plus tard et qui sera très bon avec elle et qu'elle aimera beaucoup. Son seul allié, probablement, dans la famille Ségur. Alors, c'est une enfance... tragique et grandiose à la fois. En quoi est-ce que cette ascendance quand même extraordinaire marque Sophie de Ségur ? Là aussi, il faut se replacer. Elle grandit dans un domaine, donc il y a 40 km de Moscou, qui s'appelle Voronovo. Il y a des serres, hein. Donc ces paysans, ils habitent un espèce de château splendide. Et donc dans une richesse qu'on a du mal à imaginer. Et le père est pas souvent là, il est souvent à Moscou. Il adore ses gosses et Sophie, qui est la troisième, je crois, sur cinq. Grandit là-dedans et sa mère qui va se convertir au catholicisme ce qui est très mal vu hein, dans la Russie orthodoxe qui est vraiment un acte de rébellion c'est vrai. Et sa mère s'est dit elle a quelque chose de vraiment fou quoi et elle traite mal ses enfants et notamment Sophie et Sophie aujourd'hui serait une enfant battue alors il y a un tas d'exemples de ça la mère a des principes d'austérité par exemple on dort sans matelas et sans sommier. Quand ils viendront à Paris plus tard, elle fait enlever tous les matelas et les sommiers. Elle l'habille. Alors, les maisons russes sont bien chauffées en hiver, mais hiver comme été, elle a une petite robe de percale. C'est-à-dire parce qu'il faut pas avoir trop chaud. Une seule couverture, hiver comme été. Elle mange très peu et elle boit très peu. C'est-à-dire, tout est rationné. Donc, en fait, c'est une gosse qui a froid, qui crève de faim et qui est battue parce qu'elle fait des bêtises. Les malheurs de Sophie, c'est une série de bêtises de Sophie, en fait, qu'elle a fait vraiment, et quelques-unes de ses propres enfants, mais la majorité, c'est Sophie. Donc, c'est probablement un enfant extraordinairement créatif qui invente une sottise à la seconde. Et les punitions sont des coups de fouet. Et quand Sophie parle quand Sophie Rostopchine, l'auteur, parle des marques sur le corps de Sophie, l'héroïne, les marques blêmes sur la peau, ou les verges qu'on casse sur le dos des enfants, ce sont les punitions qu'elle subit. Il y a mille et mille anecdotes qui montrent la sévérité terrible de cette mère. Et vous parlez de ce corps qui est un corps héroïque. Et on sait que les petits-enfants, aussi, dans les livres de la comtesse de Ségur, sont parfois aussi des petits héros, même si tout cela est bien édulcoré. Mais eux aussi, parfois, se font molester. Et elle a vraiment subi, dans sa chair, une sorte de petite torture. Non seulement oui, c'est régulier, et aussi il y a ce principe d'affamer, d'avoir froid et de s'endurcir. Et elle est battue régulièrement. Et la mère, pour montrer à ses enfants qu'on est puni quand on fait des mauvaises choses, les emmène voir quand on donne le knout aux paysans. Mais les paysans peuvent mourir. Et donc, ce sont des choses que les enfants sont invités à contempler. Dans les livres de la comtesse, c'est pas édulcoré. Il y a des passages, nous, adultes, quand on les lit aux enfants, ça a du mal à passer. C'est-à-dire les marques sur la peau blême, les tentatives de noyade, le fouet permanent, les coups. C'est au contraire, personne n'écrirait ça maintenant, hein. C'est extrêmement explicite. Mais malgré tout, Marie Desplechin, on peut dire que la vitalité déborde de la comtesse de Ségur, qui n'est pas encore la comtesse de Ségur, quoique, à 20 ans, elle se marie avec Eugène et devient de Ségur. Oui, alors elle c'est le miracle de l'enfance. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle est enfant battue, elle a une enfant très prodige. Elle sait, il n'y a pas d'âge, 4-5 ans, elle joue des sonates, elle fait de l'aquarelle, elle va parler 4 langues, elle fait les historiettes dont son père est si fier, elle est extrêmement drôle. Donc, passons sur la jeunesse. Donc, elle est convertie par sa mère. Donc, sa mère, c'est une fanatique religieuse, et donc elle force en fait ses enfants, un certain nombre de ses enfants à se convertir. Et elle est plus mariable en Russie, parce qu'elle est catholique. Et d'autre part, le père, le contre Stopchine, les alliances politiques changeant n'est plus très bien vu, et donc il part, bon, c'était une série de circonstances, et ils partent en France. Oui, ça tend à être mal reçu, mais pourquoi la France? Alors que quand même, ce qui est étonnant, et vous l'avez dit, c'est que la Russie vient de se faire envahir par Napoléon, et donc au sein de l'armée, il y a un certain de Ségur, et quand même, ils vont en France. Mais oui, parce que c'est la Restauration, donc embrassons-nous Folleville, tout ça c'est un petit peu, voilà, et en fait, Rostopchine a défait Napoléon, donc lui s'attend à être très mal reçu par les Français, dont il dit tout le mal possible, et en fait, il est reçu assez bien, et comme il est très extravagant, il amuse tout le monde, c'est comme une espèce de gros monstre qui arrive à Paris... Et par l'intermédiaire de Russes établis à Paris, il trouve à marier cette jeune Sophie, et parce qu'il est extraordinairement riche. Et donc, on va allier la fortune des Rostopchine à un grand nom de France, donc, qui est Eugène de Ségur, qui est le neveu de celui qui est rentré. Et lui a 20 ans, elle a 19 ans, et voilà, il se marie. Alors lui, il est très beau. Bah, c'est-à-dire quand on regarde les portraits, alors oui, bien sûr, tout le monde dit qu'il est très beau. Maintenant, ça laisse un peu dubitatif, mais c'est une star de l'époque, oui. Mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire, il va là... Lui se marie, parce qu'il se marie aussi par intérêt. Elle, il y en a des portraits d'elle, hein, elle-même en a fait, son fils en a peint, c'est... Voilà, décrit. Elle serait pas mal aujourd'hui, je crois, mais pour l'époque, elle est pas si jolie que ça. Mais elle est fraîche, elle est jeune, elle est... Voilà. Et puis, le père a promis 400 000 roubles. Donc, c'est formidable. Donc, contre le nom des Ségur, il l'épouse. Ils vont sans doute être... Enfin, il va sans doute l'aimer un moment, mais... Au début, quoi. Oui, oui. Écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de la comtesse de Ségur avec Marie Desplechin, la comtesse de Ségur que nous avons donc laissée d'abord à Paris. Elle ne reviendra plus en Russie, mais elle n'aime pas tellement Paris, Marie Desplechin. C'est-à-dire, elle avait peu de choses à faire avec Eugène de Ségur. C'est pas du tout le même type de personne et donc qui s'installe à Paris. Effectivement, non, elle est pas très mondaine, ça l'intéresse pas, elle se sent mal à l'aise, elle... comprend pas les codes, son mari la trompe, voilà, toute une vie en fait à l'extérieur de la maison. Un an, 9 mois je pense même après le mariage, elle a un petit garçon et ça va vraiment changer sa vie. Deux choses vont changer sa vie, c'est ce petit Gaston qui naît et d'autre part son père, avant de repartir pour la Russie, donc on lui avait promis un héritage formidable. Cet héritage, elle ne l'aura pas. C'est le banquier italien qui détenait les 400 000 roubles, qui devait les remettre à la famille de Ségur, qui n'attendait que ça, disparaît dans la loi. Ils n'arriveront jamais. Mais Fiodor, avant de retourner en Russie, il reverra plus jamais sa fille, lui achète un château en Normandie qui s'appelle le château des Nouettes et qui ressemble en plus petit à Voronovo, la grande demeure familiale en Russie. Et elle va partager sa vie en allant de plus en plus souvent, dès qu'elle le peut, à la campagne en fait. Elle va là-bas et elle se prend de passion pour cette terre parce qu'elle a grandi dans la terre, c'est-à-dire ça l'intéresse vraiment. Et puis elle y est vraiment heureuse, elle n'a pas de relation mondaine à avoir, il n'y a pas l'air malsain de Paris, les petits espaces. Et Eugène l'accompagne au début, assez régulièrement, et d'ailleurs il trouve des maîtresses sur place, ce qui fait des histoires. Et il viendra de moins en moins. Mais Eugène aime beaucoup, en revanche, aller chez sa mère qui ne s'entend pas bien Sophie de Ségur, et notamment à cause de cette histoire de dot qui n'est jamais arrivée. Oui, il y a ça, et puis sa mère, c'était une cocotte, en fait. Le père d'Eugène s'est suicidé, ce que personne ne dit, et sa mère, Félicité d'Aguesseau, a eu un tas d'amants flamboyants, et elle comprend rien à cette espèce de semi-paysanne. Et en plus, quand elle a Gaston, Sophie fait un truc qui se fait absolument pas à l'époque, et surtout dans les familles nobles. Elle le nourrit au sein, elle le garde dans sa chambre, et elle s'occupe de lui. Elle veut pas donner à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper de ce petit garçon qu'elle adore. Elle fera pareil pour ses autres enfants. Et en fait, ça non plus, ça ne se fait pas du tout. C'est une chose scandaleuse. Elle se comporte de manière scandaleuse. Donc en fait, c'est une grande solitude, la vie à ce moment-là de Sophie de Ségur. On lui connaît pas beaucoup d'amis, elle en a probablement, mais elle a peu de gens proches. Et alors il y a des membres de sa famille repasseront la voir, pas son père, ni sa plus jeune sœur Lise qui va mourir à peu de temps de là. Mais elle reverra son frère, elle reverra son horrible mère qui viendra deux fois, notamment pour lui enlever son fils. Elle doit se retrouver assez seule, elle est très proche de ses enfants. Alors les enfants justement, donc Gaston c'est le premier, on parlera peut-être un peu plus tard de ce qu'il va devenir, parce que c'est pas très intéressant. Gaston et Renaud, ensuite Anatole et Edgar, quatre garçons, après quatre filles, Nathalie, Henriette, Sabine et Olga. Donc ça fait beaucoup d'enfants quand même tout ça. C'est-à-dire qu'elle le voit pas beaucoup Eugène, mais c'est un enfant assez régulièrement, chaque fois qu'il revient. Et elle perd le petit Renaud très tôt, à 3 mois je pense de la diphtérie. Et elle aura Olga plus tard que les autres. Il y a 6 ans d'écart entre la naissance des jumelles et Olga. Mais en fait, bon, c'est une espèce de maternité continue. Mais vous, Marie Desplechin, quand vous avez commencé à rédiger votre texte sur la comtesse de Ségur, vous vous êtes dit que vous alliez commencer par la dernière naissance, la naissance d'Olga. En général, les biographies, on aime bien commencer par la naissance de la personne dont on parle. Et non, vous avez préféré commencer par la naissance de sa dernière fille. Pour quelle raison ? Parce que il en existe, hein, contrairement à ce que disait Viviane Forester, il y a la biographie d'Hortense Dufour, la biographie de Guérin Diesbach, donc des biographies qui commencent à la naissance, et voilà, l'histoire d'avant et tout. Et en fait, là, c'était un texte qui était assez court et qui devait montrer comment je pouvais m'attacher tellement à elle. Et l'idée, c'était comment elle était arrivée à un moment dans l'écriture et pourquoi. Et à 36 ans, elle a Olga, et c'est comme une espèce de cheville dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle tombe dans une dépression qui est une dépression vraiment très profonde, qui était larvée depuis un certain temps, au point qu'elle ne peut plus se lever de son lit, elle ne peut plus parler, elle a des migraines qui la rendent... Elle est malade, quoi. Et cette maladie, je sais pas, c'est une maladie de la mélancolie ou une maladie de l'angoisse, ça va durer des années, ça va durer 13 ans et ça reviendra de temps à autre. Et le fait qu'elle en termine avec l'époque où elle pond, en fait, puisque les femmes de cette époque-là, elles pondent, et elle en termine avec cette truc, et elle va rentrer dans une espèce de maturation qui l'amènera à écrire plus tard, hein, 20 ans plus tard, mais qui l'amènera à écrire. Mais c'est ce moment-là qui vous touche beaucoup chez elle. Vous parlez de son corps meurtri, parce que c'est des accouchements qui se passent pas toujours forcément très bien. Elle est vraiment épuisée à ce moment-là, à 36 ans. Elle n'en peut plus d'avoir des enfants, mais elle n'en peut plus de la vie aussi. Oui, elle n'en peut plus de la vie, mais c'est pas du tout le genre à se suicider. C'est pas un personnage, voilà, très mélancolique, très romantique. En fait, c'est une furie, la comtesse de Ségur. C'est ça qui est très touchant chez elle. C'est que, c'est pas une mélancolique, c'est une colérique. Et je pense, pour le peu qu'on peut s'imaginer proche de quelqu'un, mais après tout, pourquoi je me sentirais pas proche d'elle? Elle est furieuse contre la vie qu'elle a eue jusque-là. Elle pense qu'elle a été volée, et elle a raison de le penser. Voilà. Aux yeux d'une femme d'aujourd'hui, c'est clair. Qu'on lui fait une vie impossible, qu'elle était bien trop intelligente, bien trop énergique pour la vie qu'on lui fait. Et donc, comme elle n'arrive pas à se donner les moyens d'en sortir, puisque socialement, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ah, elle peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est comme si elle se noyait, en fait, en elle-même. Elle se noie dans son angoisse. C'est son corps proteste de la dernière manière qui lui reste. Mais justement, pour dire qu'elle continue d'être en vie. Exactement. C'est pas une mauvaise stratégie. Vous dites, Marie Desplechin, vous écrivez plutôt que le destin de la comtesse de Ségur, c'est la perte. Elle perd tout, la comtesse de Ségur. Elle perd sa dot, pour commencer, ça on l'a dit. Elle perd son pays. Elle perd son pays. Elle va devoir s'habituer, alors elle le fera avec beaucoup d'énergie. Elle deviendra super patriote jusqu'à se fâcher avec la Russie. Elle perd son pays, elle perd son père, hein, qu'elle adorait, alors qu'elle revoit sa mère. Donc elle adopte vraiment la France, alors ? Ah oui, elle va l'adopter à un point... elle va quand même avoir quelques sursauts. Mais non, elle va se fâcher. Elle va prendre le parti de la Pologne, dans la guerre entre la Russie et la Pologne, ce qui sera inacceptable, par exemple, pour les membres de sa famille. Donc, elle perd l'homme qu'elle aimait, parce qu'elle l'a certainement aimé, Eugène. C'est probablement le seul homme avec qui elle soit allée au lit. Et c'est comme si c'est quelqu'un d'extraordinairement sensuel. J'imagine qu'elle a été passionnée, et il a fallu qu'elle accepte de le perdre. Elle a perdu son fils, Renaud, qui est mort de la diphtérie à 3 ans, donc sous ses yeux, puisqu'elle les élevait. C'est pas une femme qui confie ses enfants. Donc, peu à peu, tout se délite hein, sous ses... Elle a perdu son père, mort de rage quand sa femme l'a converti au catholicisme. Ah non, c'est quand on dit qu'elle est morte de rage quand elle a converti sa dernière fille, qui est morte de phtisie, qu'on appelait phtisie à l'époque. Et il paraît que la mère lui a enfoncé une hostie dans la bouche au moment de son agonie pour être sûre qu'elle serait catholique en mourant. Et qu'en apprenant ça, Fiodor est mort de rage. Et puis elle a perdu quand même ses garçons, justement, parce qu'elle voulait les élever, mais on lui a dit qu'il fallait qu'elle les emmène. À l'époque, ce genre d'enfants, dans ces familles nobles, ils sont envoyés dans des pensions. Et elle, qui est extraordinairement sensible à cause de son enfance aussi, à ce que c'est qu'une vie d'enfant, il y a sans doute peu de gens à l'époque qui... Et ces pensions, elles sont vraiment très dures, c'est-à-dire ils mangent très mal, les enfants sont battus, les conditions de vie, elle le sait très bien. Et donc, quand Gaston part, c'est un déchirement. C'est-à-dire, l'histoire qu'elle a avec ce premier petit garçon, c'est une histoire d'amour qui est explicite. Il l'appelle mon amour, par exemple, il se déguise en maman quand il a 3-4 ans, il l'attend déguisé. Il aime se travestir. Lui restera le travestissement à Gaston. On sent que vous avez un intérêt particulier pour ce garçon, Gaston, car vous lui laissez beaucoup de place dans le portrait que vous faites de sa mère. C'est-à-dire qu'il va avoir une influence sur la vie de sa mère beaucoup plus importante que celle des autres enfants, c'est pour ça. Donc c'est son aîné, elle le préfère visiblement. Elle aimera beaucoup aussi sa dernière Olga. Elle aimera bien tous ses gosses, mais Gaston et Olga. Et après, il va arriver un énorme pépin. Alors, l'histoire de Gaston en deux mots. Normalement, il est censé être comme son père, être un père de France, être un type, se marier, avoir des descendants et poursuivre le nom de la famille. Et il va faire ce coup incroyable que pas du tout, il va se convertir. C'est-à-dire comme sa grand-mère... Et comme sa mère va le faire en le suivant, il va se convertir, c'est une sorte de reborn. Donc il va être, alors qu'on l'envoie à Rome pour entrer dans la diplomatie, il en revient pour entrer dans les ordres. Et puis pour devenir peintre aussi, parce que c'est un peintre qui a énormément de talent. Avant, oui, il est dans l'atelier de Paul Delaroche, qui dit c'est sa seule vocation, c'est peintre. Il a énormément de talent et bon, donc il va là-bas, il devient prêtre, donc il va abandonner tout ça. Et... Pour Sophie, elle va mettre des années à s'habituer. Alors le père est furieux, Eugène, mais Sophie aussi s'habitue à perdre son fils pour Dieu, en fait. C'est ça qui lui arrive de terrible. Et ce qu'elle va faire de tout à fait fascinant, c'est elle va le rejoindre en Dieu. C'est-à-dire, bien sûr, elle est catholique, mais elle est catholique un peu comme Eugène. Elle s'en fiche en gros, quoi. Mais quand son fils va devenir, et lui vraiment, il sera un ultramontain enragé, c'est un fou de Dieu. Elle va devenir folle de Dieu avec lui pour pas le quitter. Ça, c'est super beau. Et autre chose, c'est ce fils, quand il va être ordonné prêtre, il va perdre la vue, successivement. D'abord un œil, puis l'autre. Donc là, encore une autre épreuve à laquelle elle va devoir se faire et qui va augmenter encore et la propension à la sainteté de Gaston, qui en tout se comporte comme un saint, et l'attachement de sa mère à ce fils qui est blessé. Et ce garçon, vous pensez qu'il lui a fait plus de mal que de bien ? Rien dans l'histoire de la comtesse de Ségur ne se résonne en termes de mal ou de bien. Il a été, peut-être après Eugène, qu'il a été peu de temps, et sur un plus grand nombre d'années, il aura été l'homme de sa vie. Avec son grand ami Louis Veuillot. Dont on va parler aussi, mais vous diriez qu'il formait quasiment un couple finalement, la mère et le fils. Quand il est en pension, ils s'écrivent tous les jours. Il a des mots pour elle qui sont des mots d'amoureux, c'est assez beau. Et lui-même, je pense qu'il règle le problème par l'ordination d'une orientation sexuelle incertaine. Thank you. Donc on pourrait presque avoir terminé la biographie de la comtesse de Ségur ici, Marie des Pléchins. Elle arrive à un moment où, après cette dépression terrible, bon an mal an, elle a suivi Gaston dans la foi, et puis elle est un peu apaisée. Elle va tranquillement vers la fin de sa vie. Bah oui, ça pourrait s'arrêter là. Pour un tas de femmes d'ailleurs, ça s'arrête là. Et il se passe un truc tout à fait formidable, c'est qu'elle va découvrir qu'elle est écrivain. Ah, mais alors avant cela, elle écrit quand même un livre. Elle écrit La Santé pour voilà. Les enfants. Mais c'est encore à cause de Gaston. C'est parce que Gaston a écrit un livre très religieux sur les objets réponses aux objections, enfin bon bref, sur la religion, qu'il a voulu publier et tout le monde lui a dit écoutez non. C'est... Et donc Sophie a dit mais on va le publier quand même. Donc à compte d'auteur, il publie le bouquin de Gaston qui se vend à 1 million d'exemplaires. Qui fait un tabac. Et donc, c'est en fait, incroyable, ça autorise... 1 million d'exemplaires pour l'époque. Ah, mais c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Il y avait des choses qui se vendaient énormément quand même. Et donc, il y a ce premier exemple que vous pouvez y aller. Et après, ce petit bouquin sur la santé, puisqu'elle-même s'est beaucoup occupée de ses enfants, a des tas d'idées, comme elle a son côté paysan, est capable de soigner, avec des conseils de bon sens, hein, d'ailleurs, dans un tas de bien s'occuper des enfants. Donc ça, déjà, elle l'a fait. Et elle l'avait écrit pour ses deux petites filles, Camille et Madeleine, les filles de sa sœur Nathalie qui partaient s'installer à Londres avec leurs parents. Elle avait écrit des contes de fées. Des contes de fées qui sont pas très originaux, que moi je relis toujours avec plaisir, mais... Et un peu à la manière de Madame d'Aulnoy, des contes de fées du XVIIIe siècle, avec plein de princesses, d'animaux transformés, de pierres précieuses. Et elle les montre, alors là il y a deux versions possibles, elle les montre à son ami et âme damnée Louis Veuillot, qui les lit en une nuit et lui dit « c'est formidable, on va les faire publier ». Et l'aide, connaît Jean Chez Hachette, Templier, et l'aide à les faire publier. Ou alors, c'est Eugène, qui sait que sa femme écrit pour ses petites filles, qu'elle a un petit brin de plume, un talent pour ça, et qui lui-même étant au conseil d'administration des chemins de fer de l'Est, où Louis Hachette s'implante pour créer ce qui est maintenant les Relais H, c'est-à-dire éditer et vendre sur place des livres pour les gens qui prennent le train, cherche des auteurs pour les enfants, pour sa bibliothèque rose. Il n'en a pas assez. Donc le sujet arrive et Eugène se dit, bah voilà un moyen d'occuper Bobonne qui me fait de la dépression à la campagne et sera très contente. Et donc ça passerait par Eugène, le fait qu'on propose à Sophie. Et Sophie donne ses comptes qu'elle a, qui sont acceptés. Et apparemment, elle avait commencé un peu avant ou alors elle a travaillé vraiment vite. Immédiatement après, elle fournit le texte des petites filles modèles, qui sera son premier roman émancipé, disons, le premier roman de la comtesse de Ségur. On reviendra un petit peu sur les débuts en tant qu'écrivain de la comtesse de Ségur. Elle a 57 ans, je signale. Et oui, ça c'est assez incroyable. Mais on peut dire aussi quand même que ça ne naît pas de rien, cette graphomanie de la comtesse de Ségur. C'est un contexte familial. Dans la famille, on écrit, les parents, les grands-parents écrivent et publient. Oui, et chez les Ségur aussi. Ils ont tous un certain nombre de... Mais alors pour faire une réflexion un peu générale, il me semble que c'est quelque chose qu'on a oublié maintenant, mais qu'au XIXe siècle, les gens écrivaient énormément. Alors là, c'est comme ce sont des gens visibles, peut-être qu'ils sont plus publiés, mais dans énormément de familles bourgeoises et nobles, les gens écrivaient des pièces de théâtre, des opéras, des journaux... Peut-être parce qu'il y avait moins de personnes qui avaient la latitude, le temps pour écrire, et que du coup, toute une classe pouvait se permettre davantage qu'aujourd'hui d'écrire. Bien sûr. Bien sûr. Donc sa mère écrit des ouvrages de propagande religieuse. Bien sûr. Son père a écrit une autobiographie écrite en 10 minutes qui est désopilante. Alors il y a quoi dans cette autobiographie ? Ah, vous en voulez des passages ? Ah ben oui, si vous les avez avec nous. Ouais. Avec vous. Yeah. Oui, alors ça s'appelle « Mes mémoires ou moi au naturel » écrit en 10 minutes. Chapitre 1, je vous lis que le chapitre 1, « Ma naissance ». En 1765, je sortis des ténèbres pour apparaître au grand jour. On me mesura, on me pesa, on me baptisa. Je naquis sans savoir pourquoi. Et mes parents remercièrent le ciel sans savoir de quoi. Fin du chapitre 1. Tout est à l'avenant. Et voilà, il y a 15 chapitres délicieux. Thank you. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marie Desplechin, nous avons marqué une pause dans cette émission. Le temps d'accueillir le directeur de l'hebdomadaire Le 1 en la personne d'Éric Fotorino. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Vous bonjour arrivez, Marie. Vous distribuez des 1 comme ça à tour de bras et à tout le monde. Des 1 dont le titre principal est « Faut-il croire au sondage ?» Et on peut voir une tête en train de manger un micro. Oui, oui, hein, c'est un micro jaune comme le mien cet après-midi, bravo hein, pour le raccord. Ouais, on l'a fait exprès. Hein. Mais oui, parce que dans cette période préélectorale et bientôt complètement électorale, on avait envie de savoir si ces chiffres ont vraiment le dernier mot, ces chiffres, est-ce qu'il faut les croire? Et donc, comme vous savez, dans le 1, on s'intéresse aussi à ceux qui ont de la mémoire, à ceux qui ont réfléchi déjà depuis longtemps à ces questions-là. Et c'est comme ça qu'on a convié François Mitterrand, Bourdieu, La Fontaine. Vous voyez, c'est assez éclectique pour répondre à ces questions. Donc, c'est la primaire qui vous a donné envie de faire ce sujet-là? Oui, c'est la primaire et cette accélération du temps et du chiffre qui fait qu'on a tendance quelquefois à prendre le chiffre pour une vérité. Mais comme ces vérités changent toujours, puisque ces chiffres changent tout le temps, alors est-ce qu'à un moment donné, l'accumulation des chiffres finit par donner un ordre de grandeur qui est satisfaisant pour se faire son idée? Et en quoi les chiffres modifient-ils ou pas notre opinion à nous? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez fouiller chez des auteurs qu'on n'imaginerait pas, par exemple chez Mark Twain, qui est mort en 1910 quand même. Mark Twain, est-ce qu'il y avait beaucoup de sondages? Il y en avait sûrement un petit peu. Non, les sondages Gallup sont apparus plus tard aux États-Unis. Alors Mark Twain était de Floride. Alors peut-être que la Floride qui a été, vous savez, ces swinging states, ces États qui à un moment donné, on ne sait pas trop qui vont balancer. Vous vous souvenez la fameuse mésaventure des démocrates face à Bush? Et il y a Bush Junior. Mais Mark Twain a écrit ceci. Il y a trois mensonges, trois sortes de mensonges. Les mensonges sacrés, les sacrés mensonges et les statistiques. Alors effectivement, c'est une manière de nous dire que peut-être que la statistique est une forme déguisée du mensonge et que précisément, il faut savoir se méfier du chiffre, savoir les décortiquer pour essayer de voir apparaître ou pas l'état du réel. Parce que finalement, ces chiffres dont on nous inonde chaque jour sont censés nous dire le réel. Et effectivement, on s'aperçoit. Alors on a évidemment dans le numéro, vous découvrirez, interrogé de vrais sondeurs professionnels, y compris Gérard Le Gall qui avait été ce sondeur qui avait prévu d'une certaine manière en 2002 que Lionel Jospin ne serait pas au deuxième tour et perdrait la présidentielle, alors que vous vous souvenez que quelques mois plus tôt, on disait il va gagner, il va battre. Donc les sondages ne sont pas toujours faux, alors? Non, ils ne sont pas toujours faux, mais quelquefois, ils ne sont pas juste au moment où on... Plutôt, ils sont juste sur un moment et ils ne sont pas nécessairement juste sur une prédiction. Et c'est ça qui est intéressant. Et notamment, on a un auteur qui s'appelle Arthur Muller qui explique comment les sondages seront peut-être supplantés dans les mois, années qui viennent par ces fameux big data. C'est-à-dire tout ce que votre passé dit de vous infère d'une certaine manière l'opinion que vous aurez sur un candidat. Alors les big data, c'est très loin de La Fontaine que vous convoquez également. Que fait La Fontaine dans cette histoire de sondage, Éric Fotorino? Alors, vous savez, on est, je crois, le seul hebdomadaire, à ma connaissance, hein, j'espère être démenti, à ouvrir notre journal chaque semaine par une poésie que choisit Louis Chevalier. Et vous voyez, en 126 numéros, il a réussi à en trouver une chaque semaine, y compris quand on a fait Big Brother, quand on a fait des choses complètement ahurissantes. Et je lui dis, bon, Louis, tu vas rien trouver ce coup-ci. Et il arrive à nous trouver un poème. Et là, l'ours et les deux compagnons, hein, avec cette fameuse chute. L'ours, vous savez, donc ces deux compagnons... La Fontaine parle mieux que moi. Deux compagnons pressés d'argent, j'adore l'expression, à leur voisin fourreur, vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. Donc effectivement, un sondage peut vous laisser penser que, vous voyez, en ce moment, la primaire de la droite, on dit, c'est Alain Juppé devant Sarkozy, et puis tout ça. Vous pensez qu'Alain Juppé a vendu la peau de l'ours, c'est ça que vous voulez nous dire? C'est le message subliminal que vous... Je crois qu'il fait attention, et en tout cas, on a un entretien que nous avons réalisé avec Édouard Balladur qui nous dit que lui, d'une certaine manière, il avait vendu la peau de l'ours. Trop confiant. Et alors, vous savez, donc les deux marchands, l'ours fonce sur eux. Il y en a un qui se réfugie dans l'arbre, l'autre qui fait le mort. Et puis, finalement, l'ours s'en va parce qu'il croit qu'il est mort, vraiment. Et puis, son copain qui descend, pas très courageux, lui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Voilà. Ouais. Et puis, alors, plus sérieux, dernier auteur que vous convoquez, c'est Pierre Bourdieu. Oui. Qui, lui, du coup, je pense, n'aimait pas beaucoup les sondages. Oui, enfin, je ne sais même pas si c'est un affect chez Bourdieu, mais en tout cas, ce qu'il dit dans ce fameux texte de 1973, qu'il a publié dans Les Temps modernes, qui sera republié après dans son manuel de sociologie, l'opinion publique n'existe pas. Donc, pour Bourdieu, il y a trois postulats qu'il remet en question. Le premier, que tout le monde peut avoir une opinion, ben, il pense que non. Il dit, c'est peut-être pas démocratique ce que je dis, mais non, tout le mais monde ne peut pas avoir... Mais il y a la case sans opinion, Éric Fantorino, on peut oui, la cocher. C'est vrai, mais en tout cas, de se forger une opinion, il pense que tout le monde ne peut produire... c'est pas à la portée de tous, écrit-il. Hein. Deuxième postulat qui remet en cause, c'est de dire que toutes les opinions se valent. Il pense que non, il y a des opinions plus intenses, plus fortes que d'autres. Et dernier postulat qui bat en brèche, poser la même question à tous suppose qu'il y ait un accord sur la question. Et alors, qui va être d'accord? Est-ce qu'il y a vraiment un consensus sur les questions qu'on pose dans les sondages? Donc, il remet tout ça en cause. Il dit que jamais un pourcentage ne pourra refléter une opinion. Eh bien, merci Éric Fantorino. Si l'on veut se procurer le 1 pour le lire, comment fait-on? Alors, chaque semaine en kiosque, vous savez, c'est très important les kiosques, c'est le maillage du territoire, non seulement à Paris, région parisienne, et dans toutes les régions. Et aussi en abonnement. On peut s'abonner, bien sûr. Merci Éric. Et nous continuons de raconter la vie de la comtesse de Ségur dans la compagnie des auteurs sur France Culture, alors que voilà qu'entre en scène un nouveau personnage en la personne d'Arlette de Pitré, arrière-petite-fille de l'écrivain qu'interrogeait Georges Drouet en 1957. Dites-moi Arlette de Pitré, comment sont nés les premiers romans ? D'une manière toute simple, le premier, comme vous l'avez dit, était Les Nouveaux Contes de Fées, et ma grand-mère Ségur a eu envie simplement de distraire ses petites filles, ses premières petites filles, qui étaient Camille et Madeleine de Malaret, filles de Nathalie de Malaret, qui était dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Et elles sont parties avec leur père en Angleterre. Et ces enfants ne pouvaient pas se séparer de leur grand-mère qu'elles adoraient. Et au moment de partir, elles ont fait promettre à leur grand-mère d'écrire les histoires qu'elle leur racontait le soir pour les endormir. Je ne sais pas exactement si ça les a endormis du reste, parce qu'elles sont, ce sont des histoires assez fantastiques. Et fidèle à sa promesse, ma grand-mère a envoyé ce manuscrit, qui fut ensuite ramené de Londres par sa fille Nathalie, jusqu'en Normandie. Et c'est, je crois, Louis Veuillot et Eugène Sue, n'est-ce pas, qui ont découvert C'est surtout Louis Veuillot. Louis Veuillot était un familier des Nouettes, et un jour, voyant traînant sur un petit bureau, il a reconnu l'écriture de son hôtesse, il a donc pris ce manuscrit, et il a été enchanté par les aventures étonnantes et très féeriques qu'il a lues. Et il a entraîné la comtesse de Ségur près d'une lampe. Il a dit « Ma chère, maintenant vous n'y couperez pas ». Ou a-t-il dit ça d'une façon un peu plus... Protocolaire. Protocolaire, dirons-nous. Il a dit « Je vous en supplie, vous allez nous lire ce que vous avez écrit ». Elle s'est d'abord défendue beaucoup, car elle était très modeste. Puis enfin, elle a commencé. Je pensais qu'elle parlait avec ce petit accent aristocratique, la comtesse de Ségur, tout comme son arrière-petite-fille. Alors, Isabelle Niel-Chevreuil n'était pas du tout d'accord avec moi, parce que je mets qu'elle a un accent. Et un accent russe ? Oui, mais les enfants de l'aristocratie russe parlaient français avant peut-être même de parler russe. Mais c'est ce que dit Guylaine Diesbach dans sa biographie aussi. Donc elle avait peut-être un petit accent russe qui ajoutait à son caractère extravagant pour les... paysan normand qui l'a croisée. Oui, mais ce qui veut dire aussi qu'elle se sentait, malgré son amour pour la France, un peu dépaysée. Peut-être que la France ne lui a pas rendu l'amour qu'elle lui a porté. Ben, elle va lui rendre, parce que quand les livres vont paraître, hein, alors pas les nouveaux contes de fées qui vont mettre du temps à se vendre, mais dès que Les Petites Filles Modèles va paraître, ça va être un énorme succès. Pas le milieu parisien, alors peut-être. Non, le milieu parisien, pas les salons que fréquentait son mari. Ça ne se passera jamais bien, c'est pas du tout... Et de toute façon, cette question-là, elle l'a réglée aussi à un moment en suivant Gaston et son ami Veuillot. Eugène Sue, en fait, on ne sait pas si elle était vraiment amie avec lui assez rapidement, comme il est socialiste, c'est pas pensable, puisque c'est une personne le mot réactionnaire a même pas tellement de sens dans son cas, quoi. Mais c'est pas imaginable. Mais donc Veuillot, elle s'entend très bien avec lui, et elle, c'est une fille d'aristocratie russe, et Veuillot, c'est le fils d'un tonnelier de Bercy, quand même. Mmh. Et ce qui les unit, c'est d'être des reborn tous les deux. C'est-à-dire, elle s'est convertie, et Veuillot, quand elle le rencontre, il est à Rome, et il y a pas très longtemps que lui aussi s'est converti. Et donc, ça leur donne une espèce d'alliance, mais c'est pas du tout mondain, c'est le meilleur ami, mais c'est très très loin de toute mondanité. Et quand Arlette, donc avec son accent charmant, dit qu'il lui a peut-être parlé d'une manière plus protocolaire, quand on voit le courrier qu'ils échangent, je pense pas qu'il ait été plus protocolaire, elle n'est fondamentalement pas mondaine. Ça, c'est peut-être le deuxième couple de la vie de la comtesse de Ségur, celui qu'elle avec forme Veuillot, avec Veuillot. Oui, sans doute. Sans doute. Il est plus jeune qu'elle, il a 14 ans de moins qu'elle. Il a perdu sa femme, sans doute il lui a imposé 6 filles, ou 7 filles en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et il a perdu sa femme et 4 de ses filles, malheureux. Et donc il est plus jeune, assez moche, très entier, extrêmement colérique. Très très très ultramontain, il est en bagarre constante avec Monseigneur Dupont-Loup, ils sont brimés par l'Église un peu plus raisonnable. Voilà, c'est un personnage tout à fait étonnant. Ils s'entendent vraiment bien et elle lui impose les petits déjeuners qu'elle prend elle-même avec du radis. Oui, c'est ça. Ça joue beaucoup dans leur amitié, le radis, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il accepte de manger les radis. Et après, elle mange des desserts le soir, en fait. Voilà, un régime très, très déséquilibré. Mais alors, il est à la fois poète, romancier, essayiste, polémiste, un peu réactionnaire. Il est très réactionnaire. Il est polygraphe. C'est ça aussi qui lui plaît, finalement, à la comtesse Sophie de Ségur. Je pense que ce qui lui plaît, c'est qu'il est combatif. Hein. On lui supprime 2 fois son journal, L'Univers, 1 fois, et puis la 2e fois, c'est pour de bon. Il réussit. Et bien, c'est pas grave, il va faire des pamphlets, il va faire des brochures, il va les éditer. C'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à défendre. Donc après, on peut remettre en question la cause qu'il défend, mais l'énergie avec laquelle il le fait, ils sont toujours en train de faire la bagarre, en fait. Ils se battent contre la loi Falloux, voilà. Puis à mon avis, c'est 2 personnes qui sont assez sensuelles, qui aiment vivre. Non, ils ont pas mal de raisons pour se rapprocher. Donc en fait, elle reprend vie à partir de ce moment où, alors donc vous l'avez dit, on ne sait pas si c'est grâce à Louis Veuillot ou grâce à son mari Eugène. Qui sera très fier de ce qu'elle écrit, enfin en tout cas d'après ce que dit Olga. Et qui arrive du coup, l'un ou l'autre, à faire publier chez Hachette et distribuer bientôt dans les relais H, mais oui, la comtesse de Ségur, le premier contrat, est signé le 1er octobre 1855. Alors ces contrats, ça va être une série d'embrouilles parce que elle le fait comme tout ce qu'elle aura fait dans sa vie, elle le fait avec tout son cœur. Donc elle va passer son temps à se disputer avec Templier qui n'arrête pas d'essayer de corriger ses textes. Alors avant cela, elle aimerait bien que Né Rostopchine apparaisse sur la couverture. Comtesse de Ségur, elle voit pas très bien, voilà, c'est Eugène quand même. Et alors il c'est pas d'accord, mais alors c'est à l'intérieur, ce sera sur la page de garde. Moi c'est une chose qui m'avait fascinée gamine, ce Né Rostopchine. Donc elle obtient. Après, elle va négocier ses droits. Elle va demander d'avoir des droits d'auteur. Elle demande 0,1%, je crois. Ce qui aurait fait pas mal d'argent au bout du compte. Et ça lui est refusé. Oui. Donc elle a des... 500 francs. 500 francs. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est 500 francs de l'époque. Oui, mais quand même. Flaubert, il a 800 francs pour Madame Bovary. Quand on regarde par rapport aux autres, c'est quand même pas mal. Surtout qu'elle va faire monter les tarifs. C'est-à-dire quand elle a du succès, elle ne va pas arrêter de renégocier. C'est une négociatrice acharnée, et ce qu'elle fait aussi, c'est comme Eugène est toujours à courir à droite à gauche, à avoir des frais somptuaires mal placés, alors que elle doit s'occuper de ses enfants, s'occuper des pauvres, les frais des nouettes, l'aménagement du... Voilà. Elle obtient son émancipation d'Eugène. Comme quoi, c'était pas un mauvais bourg. Et les droits, c'est elle qui les a. Ses droits d'auteur sont à elle. Donc elle, c'est exceptionnel. Elle publie d'abord ses contes, mais ces contes-là ne trouvent pas vraiment leur public tout de suite. En revanche, un roman, Les petites filles modèles, qu'elle donne directement après, lui va trouver immédiatement son public. En fait, on n'a jamais vu ça. C'est ce qu'elle raconte et la manière dont elle le raconte, c'est totalement neuf et ça ressemble d'abord aux enfants de l'époque. Et je pense... je partage cet avis, par exemple, avec Tournier, que vous aviez cité, avec bien d'autres, que elle dit quelque chose de l'enfance qui est d'une extraordinaire justesse. C'est quoi? C'est la liberté de ton qui va plaire à ce moment-là? C'est une manière d'écrire. C'est une manière d'écrire qui est absolument irrésistible. Quand on vous fait le résumé des histoires qu'elle raconte, c'est assez ennuyeux en général et presque décourageant. Quand vous rentrez dans le texte, elle a une manière extrêmement rapide, imagée, joyeuse, sensuelle de mettre ça en scène, qui fait que c'est irrésistible. Donc on rentre là-dedans. Après, elle décrit les enfants. Elle disait à sa fille Olga, qui serait un auteur après elle, une écrivaine pour enfants, mais bon, qui copiera sa mère, donc ça ne marchera pas évidemment. Elle dit, il faut écrire que ce qu'on voit. Et en fait, elle, ce qu'elle raconte, c'est absolument des choses vraies, jusque dans les détails. Et quand on connaît sa vie, et plus on connaît sa vie, et plus on lit ses livres, plus on est fasciné de faire le rapprochement entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle a vécu. Voyez-vous, elle a commencé par, au fond, faire œuvre de grand-mère, ce qu'elle racontait à ses petits-enfants, comme je vous le disais. Et ensuite, quand elle a commencé sa carrière d'écrivain, alors elle s'est épanouie. J'entends par là qu'elle a vécu d'abord en Russie, puis jeune femme, une existence assez sévère, car elle avait une mère terrible, qui l'avait élevée à la spartiate en la privant de boire et de manger. Ensuite, son existence matrimoniale, si vous voulez, n'a pas été très heureuse. Le comte de Ségur était très beau et, mon Dieu, assez papillonnant. Or, brusquement, avec cette possibilité d'écrire que lui avait donné ce premier livre, elle a découvert qu'elle avait des zones de fraîcheur, n'est-ce pas, qu'elle avait c'était stocké. En quelque sorte des complexes à l'envers. Voilà, à notre époque on dirait des complexes, c'est-à-dire refoulement enfin épanoui. C'était des refoulements de fraîcheur et de charme, enfin ça c'est intact, c'est agréable. Pour ça, ce n'est pas écrit par une vieille dame au fond, vous comprenez. L'histoire du bon petit diable, comment est-elle née? Par ses souvenirs de récolter en Angleterre lors de couches de Nathalie, sa fille aînée, et elle est revenue avec des histoires anglaises forcément, qu'elle a mis en réserve, et brusquement au moment de la mise en pension d'un de ses petits-fils qui s'appelait Jacques de Pitré, qui était mon oncle, elle a trouvé ça si effarant de penser que cet enfant était privé des joies du foyer, que pour le distraire, elle a un peu fait une caricature de ses professeurs, vous comprenez, et car au fond, elle était assez satirique. On retrouve toujours avec plaisir Arlette de Pitré, oui. Marie Desplechin. Oui. Il y a des choses très justes dans ce qu'elle. En tout cas, c'est vraiment une troisième vie qu'elle va inaugurer. C'est à la fois une troisième vie et à la fois c'est toute sa vie qui en est justifiée. Elle dit quelque chose qui est vraiment juste. Elle dit, on n'a pas l'impression que c'est une vieille dame qui écrit, mais qu'elle est dans l'enfance. Et je pense que ce qui fait son génie, c'est qu'elle a une enfance tellement violente qu'elle a été arrêtée dans cette enfance. C'est-à-dire, ce sont des choses qui l'ont marquée, au Knut, par exemple. Et qu'elle n'a pas oublié les émotions qu'on a à cet âge-là. Or, la plupart d'entre nous, en arrivant à l'âge adulte, c'est oublié, on est complètement socialisé. Elle, la plupart... Oh si, je vous jure, parce qu'il me fait une grimace, je dis pour les gens de la radio. Mais elle sait... Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle est géniale pour les enfants, c'est qu'elle sait exactement ce que c'est que la pulsion qu'on a à 4 ans, à l'âge de Sophie. Lisez-le à des mômes qui font des bêtises, il y en a un tas, lisez-le à des vrais mômes qui font des vraies bêtises. Ils sont absolument fascinés, ils se sentent extraordinairement proches de Sophie, de ses... Par exemple, ce truc génial dans les malheurs de Sophie, quand elle coupe les petits poissons. Oui. Tout le monde dit « Ah, elle est sadique, c'est horrible, et pas du tout. » Non, c'est vachement bien vu, son père lui offre un petit couteau. Et quand vous avez 4 ans, on vous donne un outil pour que vous vous en serviez. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est une très très grande créativité et une très grande difficulté à négocier avec ses désirs. Mais dans Sophie, ce qui est très très bien, c'est que chaque chapitre, elle dit... Elle se dit qu'elle recommencera jamais et elle recommence. Parce que c'est pas si facile d'en venir à bout. Et face à ça, l'adulte, puisqu'en elle, il y a les deux, il y a la mère, elle est devenue Madame Ségur, et la petite Sophie, dit, si tu reconnais que ça ne va pas, et tu es assez puni parce que tu as fait toi-même. Pas tellement Madame de Réan, d'ailleurs, c'est plutôt Madame de Fleurville, parce qu'il y a tout un jeu entre ces mères qui sont pas tout à fait toutes égales. Mais le bon adulte, disons Madame de Fleurville, va pas punir l'enfant physiquement en le battant et tout ça, mais l'amener à reconnaître que c'est très compliqué de s'en sortir si on est livré à ses pulsions. Mais pour avoir ce génie, elle se dit pas ça quand elle raconte ses trucs. Voilà, avec ses en fait, elle se dit rien. Elle, c'est une évidence pour elle, l'écriture. Elle écrit à toute vitesse. C'est une artiste du premier jet. Elle corrige un peu, ou après elle corrige sur ses placards. Mais elle a gardé un lien miraculeux avec l'enfance. Ce qui fera quand même cette facilité, pratiquement 2 romans par an, c'est ça? Certaines années, 3. Elle va écrire 20 romans proprement dits, auxquels elle va ajouter des choses considérables et assez indigestes, qui sont l'Évangile d'une grand-mère, les Actes des Apôtres d'une grand-mère, des textes où c'est une mamie et c'est les enfants posent des questions et du coup elle leur raconte Évangile, Actes des Apôtres et Bible. C'est assez cocasse d'ailleurs. Enfin, faut vraiment être passionné pour lire ça, mais parce que ça s'est vraiment perdu beaucoup de son intérêt. Et vous la voyez évoluer au fur et à mesure des années dans son écriture? Dans les thèmes qu'elle aborde, l'écriture, elle l'a tout de suite, qu'elle n'est pas arrivée à 57 ans sans savoir comment ça se racontait l'histoire. Mais dans les thèmes, oui, puisque au début, elle prend vraiment des thèmes proches d'elle. Elle est toute la trilogie de Sophie. Il y a vraiment énormément de son enfance, de sa mère, même si elle mêle d'autres histoires dedans. Elle a tout de suite pensé faire une trilogie, vous croyez? Non, puisqu'elle a commencé par Les Petites Filles Modèles, donc Les Malheurs de Sophie se passent avant. C'est parce que ça a très bien marché que finalement... Oui, c'est ça, et puis elle devait, elle en fait, décline. Elle s'est dit, hop, alors les deux héroïnes des Petites Filles Modèles, c'est Camille et Madeleine. Donc, et puis la petite Marguerite qui a... Mais elle a dû se dire, ça marche tellement, mais moi j'en ai. J'ai les miennes, celles de Sophie, qu'elle mélange un peu à celles d'Olga. Donc elle fait Les Malheurs de Sophie qui se passent avant, et après elle conclut par Les Vacances. Et on retrouvera au fil de son œuvre ses héros dans des livres plus tard. Et après, elle va prendre des héros qui sont plus grands, et elle va faire des textes qui s'éloignent de cette inspiration purement familiale. Oui. Comme dans Balzac, alors, dont elle est la contemporaine. Oui, c'est Mauriac qui disait ça, que c'était le Balzac des petits-enfants. C'est ça, il y a aussi la récurrence des personnages, puis elle adorait d'ailleurs Balzac, je crois. Elle adorait Balzac, oui. Elle vomissait Georges Sand, bien sûr, qu'elle avait planqué pour que les enfants ne risquent pas de tomber dessus. Mais par exemple, La Fortune de Gaspard, ça c'est un livre de la comtesse de Ségur qui pourrait un petit peu faire penser quand même à un livre de la comédie humaine. C'est exactement ça, elle décrit le milieu qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire elle décrit, là il n'y a plus de nobles. On voit la montée de la bourgeoisie, les questions, c'est Bel Ami, hein. C'est un arriviste forcené qui va renier sa famille de paysans, qui a ses défauts aussi, puisque c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. C'est un livre incroyablement immoral et cynique. On ne sait pas quoi en penser, avec un mariage arrangé à la fin qui est très étrange. C'est un livre... Enfin, j'avais du mal à lire celui-là, par exemple. Mais pour des adultes ou des grands adolescents, c'est fascinant. Et pour vous, Marie Desplechin, est-ce qu'elle a été un modèle d'écrivain ou un écrivain modèle? Parce que vous avez écrit des livres pour enfants, vous en écrivez d'ailleurs. Surtout, j'ai écrit toujours. Pomme en 2007, Mauve en 2014 à l'école des loisirs, Le Bon Antoine chez Gallimard en 2013, etc., etc. Est-ce que c'est un modèle pour vous, la comtesse? Ça n'a jamais été. C'est difficile parce que quand on écrit, on peut pas se dire je vais faire comme, parce que sinon c'est sûr qu'on est fichu, on n'arrivera jamais à écrire. En tout cas, dans mon cas. Après, il y a des gens qui vous influencent juste parce que vous les avez lus et relus et qui sont quelque part à l'intérieur de vous. Moi, j'ai énormément de souvenirs de l'enfance très très précis, de moi en train de lire à différents moments dans différents endroits, tous ces livres que j'avais dans la vieille bibliothèque rose, hein, celle qui est née de mes grands-mères. Eh bien, merci beaucoup, Marie Desplechin, pour tout ça. On renvoie évidemment à vos livres pour sentir ce que ça... Non, allez relire. Les gens lisent pas assez La Comtesse de Ségur. Mais vos livres aussi. Vos livres aussi. Je renvoie également au beau livre de l'iconoclaste dans lequel on trouve votre texte, en même temps que celui d'ailleurs de Marianne Alphand qui raconte Jane Austen et qui est venue nous en parler ici. Les auditeurs s'en rappellent peut-être. Tout cela est disponible en podcast. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie. J'ai oublié de dire que quand même ce livre s'appelle L'une et l'autre et que c'est disponible depuis janvier 2015. Tout de suite la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour. Pour présenter Ossip Mandelstam, le poète russe du XXe siècle, mort d'épuisement au cours de l'hiver 38-39 dans un camp de travail de la Russie stalinienne, quelques mots de Christiane Pighetti, sa traductrice pour les éditions Alia, à propos de sa langue poétique. Pour ce fou de musique, la poésie est une suite de thèmes et variations et une écriture harmonique à plusieurs niveaux. De même que le poète joue savoureusement de la joyeuse cacophonie des chuintantes, des fricatives et des sifflantes propres à la langue russe, aussi bien que des rubato et des notes dérobées et harmoniques des mots, seul susceptible d'exprimer la pensée louve et les résonances perdues. Les premiers mots du premier poème d'Ossip Mandelstam, en 1909, disent « Un corps me fut donné, pour quelle fin ? Ce corps qui est un seul, tellement mien, ce bonheur serein, vivre et respirer, qui, dites-moi, dois-je en remercier ? Je suis le jardinier, la fleur aussi. Au cachot du monde, point seul ne suit. » C'est un extrait du poème. Autre citation. « Le pouvoir n'avait prise sur moi que comme un gamin qui se méfiait des huîtres, regardait les flics de travers. pas un poil de mon être qui lui dût la moindre chose, et loin de moi comme d'autres, m'en faire un tourment. Nos traductions viendront de trois livres, Tristia chez Poésie Gallimard, Ossip Mandelstam, nouveau poème chez Alia, et Simple promesse, choix de poème, traduit par Philippe Jacoté, Louis Martinez et Jean-Claude Schneider, à la Dogana. Poème de novembre 1913. La vie facile nous a rendus fous. Le vin dès l'aube, le soir la migraine. Comment empêcher ta gaieté vaine, ton teint trop rouge, peste saoule? Le rite des poignées de main ou le supplice et les baisers nocturnes sous les porches lorsque les eaux du fleuve s'alourdissent et que les réverbères brûlent comme torches. Nous attendons la mort comme le loup du conte, mais je crains que ne meure le premier, celui dont la bouche est rouge angoissée et dont la frange sur les yeux retombe. Poème qui se trouve dans Simple promesse, traduit par Philippe Jacoté. Ce choix d'un poème de 1924 pour sa part autobiographique. Non, je ne fus jamais le contemporain de personne. Je me soucie bien peu d'un tel honneur. C'est à un autre que moi qui, comme moi, se nomme, et cet homonyme me fait horreur. Deux yeux morts sont les yeux du siècle tyran. Il parle du 19e siècle précédent. Deux yeux morts sont les yeux du siècle tyran. Sa bouche est d'argile et splendide. Vers son fils vieillissant, il s'incline en mourant, de ses lèvres baisant la main languide. Avec le siècle, j'ai soulevé mes paupières douloureuses, le globe de ses grands yeux morts, et les rivières m'ont compté tumultueuses, le cours passionné de nos humains discords. Voilà déjà 100 ans, un lit pliant, fragile, luisait de toute la blancheur de ses coussins où s'étirait étrangement le corps d'argile du siècle. La première ivresse prenait fin. Parmi l'universelle et grinçante débâcle, ce lit paraissait bien léger. Eh bien, que voulez-vous, couchons avec le siècle, puisqu'on ne peut d'autres couches forger. Jacques Bonafé lisait des poèmes d'Ossip Mandelstam, poète russe, comme l'était la comtesse de Ségur, dont nous parlons toute la semaine dans la compagnie des auteurs. Et aujourd'hui, c'était avec Marie Desplechin, dont je signale l'apparition, c'était en septembre dernier, donc c'est tout récent, du livre Sotik à l'école des loisirs, qui raconte l'histoire de Sotik Ok, cambodgien, enlevé par les Khmers rouges, avec qui elle a écrit ce livre. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Anthony Thomasson et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, deuxième temps de notre série consacrée à la comtesse de Ségur. Nous serons avec Mayalène Berasategui pour évoquer cette femme qui se cachait derrière le voile d'une grand-mère pour écrire plus tranquillement. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, partager et podcaster cette émission depuis notre site. Très bon après-midi à toutes et à tous.